السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Donc bienvenue à tous. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا، حياكم الله على طاعته. Donc on continue إن شاء الله تعالى l'explication des paraboles du Coran. Et parmi les paraboles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées dans son noble livre, il y a celle du verset 24 de sourate Yunus. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans la traduction rapprochée du verset 24 de sourate Yunus: la vie présente est comparable à une eau que nous faisions descendre du ciel, et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Et lorsque la terre revêt sa plus belle parure et s'embellit, et que les habitants pensent que sa récolte leur est acquise, notre ordre s'abat sur elle de nuit ou de jour, et nous en faisons un champ moissonné comme si elle n'avait pas été florissante la veille. Ainsi, nous exposons clairement les signes pour ceux qui réfléchissent. Donc dans cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que cette vie d'ici-bas est insignifiante. Et il nous informe aussi, subhanahu wa ta'ala, de la situation des gens dans cette vie d'ici-bas, qu'ils sont aveuglés par cette vie d'ici-bas et qu'ils penchent vers elle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans la traduction rapprochée: la vie présente est comparable à une eau que nous faisions descendre du ciel et grâce à laquelle s'entremêlent différentes plantes dont se nourrissent les hommes et les bêtes. Donc c'est-à-dire que la vie d'ici-bas, dans le fait que la personne est aveuglée par elle et s'y est attachée, malgré qu'elle va finir par périr, elle est comparable à une pluie. Donc cette pluie-là, elle se mélange aux plantes. Et cette pluie qui s'est mélangé aux plantes et dont se nourrissent les hommes et les animaux, comme par exemple fruits, céréales, orge, blé et herbes, et tout ce genre de choses. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit: lorsque la terre revêt sa plus belle parure et s'embellit, c'est-à-dire s'embellit par les différents fruits, plantes et fleurs Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, et que ses habitants pensent que sa récolte leur est acquise. Donc c'est-à-dire que les habitants, d'accord, ils sont capables de cueillir les fruits et d'en profiter. Et donc lorsque l'affaire est réglée selon eux, et qu'il ne reste plus qu'à cueillir les différents fruits, c'est alors que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala s'abat sur la plantation. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc il dit à ce sujet, notre ordre s'abat sur elle, de nuit ou de jour, et nous en faisions un champ moissonné. C'est-à-dire que ce champ, il est devenu sec, après avoir été fructueux. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction, comme si elle n'avait pas été florissante la veille. C'est-à-dire, c'est comme si elle n'a jamais été dans cet état. Tout comme la vie d'ici-bas. Car la personne dans la vie d'ici-bas est aveuglée par celle-ci. De telle sorte qu'il pense qu'il va toujours y rester. Il est aveuglé par sa beauté. Donc c'est-à-dire par la beauté de cette vie. Il pense que ce sera sa dernière demeure. Et lorsqu'il est dans cet état, et lorsqu'il est dans cette situation, la mort survient subitement et le prend comme s'il n'avait jamais vécu. Comme s'il n'avait jamais été. Et après sa mort, les gens, ils vont l'oublier. Après sa mort, les gens l'oublieront. Comme s'il n'avait jamais vécu sur terre. Son meilleur ami, après son enterrement, il restera sans doute quelques minutes à pleurer sur sa tombe, en se rappelant les bons moments qu'ils ont passés ensemble. Mais il finira par l'oublier et prendra une autre personne comme ami. Pareil pour sa femme. Sa femme finira par l'oublier et se remarier comme si elle n'avait jamais été mariée avec lui. Les gens, ils finiront par dilapider son argent comme s'il n'avait jamais passé toute sa vie à l'économiser. Subhanallah. Il faut qu'on médite sur ce genre de parabole. Car malheureusement, nous sommes distraits, aveuglés par cette vie. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans ses paraboles que cette vie d'ici-bas, pour laquelle les gens se battent et pour laquelle les gens aiment et détestent, ne vaut rien du tout. Et l'éminent savant, Cheikh Abdurrahman ibn Sa'di, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit dans le tafsir de ce verset, concernant cette parabole, il dit, je cite, « Cette parabole fait partie des meilleures et elle est équivalente à l'état de cette vie d'ici-bas. » Fin de citation. Et à la fin de cette parabole, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon la traduction rapprochée, « Ainsi nous exposons clairement les signes pour ceux qui réfléchissent. Car ce sont ceux qui réfléchissent et qui raisonnent, qui profitent des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui en tirent des leçons. » C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il va mentionner par exemple certaines histoires dans le Coran, il nous dit qu'il y a des enseignements à tirer, tout en nous précisant que c'est ceux qui réfléchissent et ceux qui raisonnent qui tirent ces enseignements. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, dans les derniers versets de Sourate Yusuf, il nous dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée, il est dans les récits des messagers, des enseignements. Ensuite Allah, qu'est-ce qu'il dit? Pour ceux qui raisonnent. Pour ceux qui raisonnent. Donc ça c'est concernant donc cette parabole. Et dans sourate Al-Hadid, donc dans sourate Al-Hadid, sourate le fer, il y a une autre parabole similaire. Une parabole qui est similaire à celle-ci. Et elle se trouve dans le verset 20. Donc dans le verset 20 de sourate Al-Hadid. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « I'alamu annama al-hayatu al-dunya la'ibun wa lahum wa zina » وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit selon la traduction rapprochée, sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse entre vous et concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Elle est semblable à une pluie bienfaisante qui fait pousser une végétation qui, après avoir émerveillé un instant les mécréants, se fanent. On la voit alors jaunir, puis elle tombe en débris. Et dans l'au-delà, il y aura soit un dur châtiment, soit le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse. Donc dans ce verset de sourate Al-Hadid, donc sourate le fer, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe à propos de la réalité de la vie d'ici-bas. Et pour ce faire, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que cette vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, vaine parure, rivalité orgueilleuse, concurrence dans l'accroissement des richesses et du nombre d'enfants. Certains exégèses, qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur fasse miséricorde, ont mentionné que ces cinq choses ont été mentionnées car elles sont en général l'occupation principale des cœurs des gens dans cette vie d'ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de cette vie d'ici-bas, il dit dans ce verset, elle est semblable à une pluie bienfaisante qui fait pousser une végétation qui, après avoir émerveillé un instant les mécréants, se fanent. On la voit alors jaunir, puis elle tombe en débris. Donc c'est-à-dire que cette vie d'ici-bas est semblable à une pluie. Et cette pluie, elle fait pousser une végétation. Et lorsque cette végétation atteint son paroxysme en terre de beauté, le mécréant est émerveillé par celle-ci. Car le cœur du mécréant est attaché à cette vie d'ici-bas. Et sa seule préoccupation est de voir les parures de cette vie. Au contraire du mu'min, au contraire du croyant, qui lui va donner de l'importance à ce qui va avoir un intérêt pour sa vie future, c'est-à-dire la vie de l'au-delà. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, selon la traduction, « Et dans l'au-delà, il y aura soit un dur châtiment, soit le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. C'est-à-dire que dans l'au-delà, il y a deux cas de figure. Soit un dur châtiment dans le feu de l'enfer pour celui qui avait comme unique but la vie d'ici-bas et qui a bravé les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala et a démenti ses signes. Ou soit le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Donc dans l'au-delà, il n'y a pas d'autre possibilité. Et ceci amène le serviteur à réfléchir. Dans quel camp veut-il se trouver? Et s'il veut être parmi ceux qui auront le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'il ne fasse pas de cette vie une priorité, mais plutôt qu'il privilégie l'au-delà en multipliant les bonnes actions. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite, selon la traduction rapprochée, « La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance éphémère et trompeuse. » L'éminent savant Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il dit à propos de cette phrase et les phrases précédentes, il dit « Toutes ces phrases et toutes ces caractéristiques, Allah veut, et c'est le plus savant, que la personne fasse preuve d'ascétisme dans cette vie d'ici-bas et qu'il convoite l'au-delà. Et quiconque fait preuve d'ascétisme et convoite l'au-delà, rien ne lui échappera parmi les délices de la vie d'ici-bas. » Donc ensuite, après avoir mentionné donc cette parole, le cheikh, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a donné une preuve du Coran. Et la preuve qu'il a mentionnée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, c'est le verset 97 dans sourate An-Nahl, sourate les abeilles. Allah subhanahu wa ta'ala dit « Man amila saliha min dhakarin aw unfa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. » Allah subhanahu wa ta'ala il dit, selon la traduction rapprochée, donc il dit: quiconque, homme ou femme, accomplit une œuvre pieuse tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie et nous les récompenserons en fonction du meilleur de leurs œuvres. Donc ça, c'est le verset que Cheikh Al-Uthaymeen, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde, il a mentionné comme preuve à cette parole. Et c'est à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on demande le secours. Donc après avoir expliqué ces deux paraboles, nous allons mentionner certains enseignements. Le premier enseignement qu'on tire de ces deux paraboles, c'est qu'il y a, ou plutôt on tire une incitation à œuvrer pour l'au-delà. Car dans ces paraboles, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que la vie d'ici-bas n'a pas de valeur et que la vie d'ici-bas est insignifiante. Donc si c'est le cas, ça doit inciter la personne, après qu'elle ait pris connaissance de ces informations, ça doit la pousser à œuvrer pour l'au-delà, car elle sait que cette vie dans laquelle elle vit n'a pas d'importance et que la véritable vie, c'est celle de l'au-delà. Donc dans ces deux paraboles, il y a une incitation pour œuvrer pour l'au-delà. Ensuite, le deuxième enseignement qu'on tire de ces deux paraboles, c'est ne pas faire de cette vie son objectif principal. Car comme on l'a mentionné précédemment, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous informe que cette vie d'ici-bas, elle est insignifiante. Donc si elle est insignifiante, si le musulman prend connaissance que cette vie d'ici-bas n'a pas de valeur et qu'elle est insignifiante et que la personne va mourir soudainement et qu'elle ne va rien emporter avec elle, alors cette connaissance doit pousser la personne à ne pas faire de cette vie d'ici-bas son objectif premier. Et donc ça, c'est un enseignement qu'on tire de ces deux paraboles. Le troisième enseignement qu'on peut tirer de cette parabole, c'est que la personne doit patienter dans cette vie. Le musulman, il doit patienter dans cette vie. Et s'il a pris connaissance de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ces deux paraboles, donc dans le fait que la vie d'ici-bas est insignifiante et qu'elle n'a pas de valeur, alors cette chose-là va aider le musulman à patienter lors des épreuves. Ceci va l'aider à patienter si, par exemple, il n'a pas beaucoup d'argent, s'il est pauvre, ça va l'aider à patienter. Pourquoi ça va l'aider à patienter ? Car il sait que cette vie n'a pas de valeur. Et il sait que cette vie est insignifiante. Donc s'il est éprouvé dans cette vie, il patiente. Car il finira par mourir. Et il finira par se retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un enseignement qu'on tire aussi de cette parabole. Ou plutôt de ces deux paraboles. Le quatrième enseignement qu'on tire, c'est qu'il y a un remède pour certaines maladies. Car si le musulman a la certitude que cette vie n'a pas de valeur et que cette vie est insignifiante, alors pourquoi jalouser son frère? Pourquoi être envieux et jaloux? Donc si la personne a la certitude que cette vie d'ici-bas ne vaut rien, elle ne va pas être jaloux de son frère. Et elle ne va pas envier son frère, car cette vie ne vaut rien. Et la vraie vie, c'est l'au-delà. Comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a dit dans le verset de Surat Al-Hadid. Et le cinquième et dernier enseignement qu'on peut tirer de cette parabole, c'est l'importance du tawhid. C'est l'importance du tawhid. Et quelqu'un peut poser la question, mais comment cette parabole, ou plutôt ces paraboles qu'on a mentionnées, montrent l'importance du tawhid? Il faut revenir pour ce faire à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné. Dans Surat Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit selon le sens, et dans l'au-delà, il y aura soit un dur châtiment, soit le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et son agrément. Et pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, forcément, il faut faire partie des gens du tawhid. Car le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est que pour les gens du tawhid. Le pardon d'Allah L'agrément d'Allah, c'est que pour les gens du Tawhid. Et la preuve de cela, c'est les nombreux versets où Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit qu'il ne pardonne pas si on lui donne un associé. Par exemple, Allah, il dit dans sourate An-Nisa, « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. » Certes, Allah ne lui pardonne pas qu'on lui donne un associé. Et en dehors de ça, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire que celui qui associe à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne se répand pas, donc il ne fait pas tauba, il ne se répand pas de cette action et il meurt sur cette action, alors Allah subhanahu wa ta'ala ne lui accordera pas son pardon et Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas l'agréer. Pareil, dans un autre verset du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innahu man yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah, wa ma'wahu an-nar, wa ma lidh-dhalimin min ansar. » Allah il dit « Innahu man yushrik billah, celui qui associe à Allah subhanahu wa ta'ala, faqad harram Allahu alayhi al-jannah. » Allah lui interdit le paradis. Wa ma'wahu an-nar, et son refuge est l'enfer. Ensuite, il dit wa ma lidh-dhalimin min ansar, et pour les injustes, point de secoureur. Donc dans le verset de sourate Al-Hadid, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans l'au-delà, il y aura soit un dur châtiment, soit le pardon d'Allah et son agrément. Et le pardon d'Allah et l'agrément d'Allah n'est que pour les gens du Tawhid. Et ça nous montre l'importance du Tawhid. Et ça nous montre que le musulman ne peut pas se passer de cette science. Il doit apprendre le Tawhid. Il doit apprendre l'unicité de la seigneurie, l'unicité de l'adoration et l'unicité des noms et attributs. Et il doit aussi apprendre qu'est-ce que le shirk. Car les savants de la sunna, ils nous mentionnent que le tawhid, tu apprends le tawhid en apprenant deux choses. En apprenant le tawhid et en apprenant son contraire qui est le shirk. Mais lorsque tu apprends le shirk, ce n'est pas pour le mettre en pratique, mais c'est pour t'en préserver. Car si tu ne sais pas qu'est-ce que le shirk et quels sont les types de shirk, tu ne pourras pas t'en préserver. Et qu'Allah fasse miséricorde aux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hudhayfa ibn al-Yaman. Hudhayfa ibn al-Yaman, il disait Kana ashabu النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه كالله لغري il disait les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم questionnaient le prophète صلى الله عليه وسلم sur le bien et moi je le questionnais sur le mal de peur qu'il m'atteigne. De peur qu'il m'atteigne. Donc si tu veux connaître le tawhid, ya Abdallah, tu te dois d'étudier le tawhid. Et tu te dois aussi d'étudier le shirk, pas pour le pratiquer, mais pour t'en préserver. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse mourir sur le tawhid. Donc incha'Allah ta'ala, on a fini là, ou plutôt par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a fini l'explication de ces deux paraboles. Et donc, inshallah, demain, je vous donne rendez-vous à la même heure pour la suite des cours, inshallah ta'ala. Wallahu al-musta'an wa bihi at-tuklan, subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayk. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته